Hors du langage, un territoire. Première partie. Chemin vers Monoblet. Avec les chants, les bruits, les murmures, les bribes, les souffles de Malika, Brigitte, Christophe, Gilles et Amar. Avec les paroles de Gisèle Durand et Jacqueline, cheville ouvrière de la tentative de Monoblet. Chantal et Claude Berton, parents de Christophe. Henriette et Jean Toche, parents de Gilles et membres de ses amotismes. Fernand de Ligny, dans les films de Renaud Victor, ce gamin-là est à propos d'un film à faire. Et avec l'eau des Cévennes. On a senti tout de suite qu'il y avait quelque chose de grave, mais c'était difficile de lui donner un nom et surtout de comprendre de quoi il s'agissait. Hein, on sentait très bien, malgré tout, que ce n'était pas de la débilité. On avait nettement cette impression, mais nous étions devant un inconnu, en quelque sorte. Voyez. Dans le village de Monoblet, au milieu des Cévennes, un geste se prolonge. Celui de Fernand de Ligny, arpenteur de territoires nouveaux, où pourraient vivre enfin des gamins qui se heurtaient à la société et qu'on nommait délinquants, psychotiques. Histoire d'une tentative menée à quelques-uns, avec des enfants alors, adultes aujourd'hui, ne parlant pas, n'ayant jamais parlé, autiste. Lettre de Fernand de Ligny, le 7 mars 1986, à Louis-Pierre Jouvenet, qui voulait enregistrer un entretien avec lui. Entendu pour le 2 avril à 14h30. Maudits soient les inventeurs de ces casseroles qui gardent les propos en conserve. Ils y perdent leurs vitamines. Une chose est ce qui se dit de vive voix, une autre ce que radote la voix morte. Mais enfin, quand des passants font un détour par « ici », il devient rare qu'il n'ait pas quelque appareil en bandoulière, tout comme les Japonais quand ils viennent voir le pont du Gard ou l'entreprise de verre à soie. Je finirai par m'y faire, bien que je regrette de jacasser Guindé. Et puis quel dommage que vous ne puissiez pas imaginer, improviser l'écho de ce que j'ai pu raconter, car il se pourrait fort bien que l'écho de ce que vous avez cru entendre soit beaucoup plus intéressant que les propos eux-mêmes, dans l'ignorance où je suis de ce qui intéresse les auditeurs lointains. J'espère que vous ne ferez pas ce trajet tout à fait en vain. Sentiments les meilleurs, de Ligny. Séquence de Ligny, A1, première. Parlez. Parlez. Parlez comme si c'était tout naturel. en parler de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent, alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage. De ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant, il faut lui rendre des comptes. Mutique, ce gamin-là, alors, à quoi se fier? À quoi se fier lorsqu'il fait défaut, le langage? Mais je vous dis, au départ, moi, pour moi, c'était un gamin intelligent. D'ailleurs, à la naissance, il y a toujours un médecin qui vous suit, vous avez le carnet de santé, et qui nous dit, oh, c'est un gamin très intelligent. Nous, on était vachement contents quand on vous dit ça. Il ne parlait pas, là, il n'y avait aucun problème à l'époque. Hein. On était à Orlyville à l'époque. Mais, on pourrait peut-être parler aussi un petit peu du séjour qu'on a fait à Salpêtrière. Oui. J'ai oublié celui-là. Qui c'est qui nous a envoyé à la Salpêtrière? Qui est-ce qui nous a envoyé? C'est sûrement la caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne. 3 jours à la Salpêtrière. Alors donc, Christophe a été en observation à la Salpêtrière. Enfin, quand on dit en observation, c'est-à-dire que le premier matin, il a vu une petite visite d'un éminent d'un savant. L'après-midi, il avait je un autre savant qui passait. Hein. Le lendemain, il y avait encore un savant qui venait, et puis encore un savant. Puis à la fin, le docteur... Non, on va pas citer le nom, il est peut-être mort d'ailleurs. Je l'ai la lettre. Il nous a dit, celui-là, vous pouvez le mettre à la poubelle. Ah non, il nous l'a dit, il nous l'a pas écrit. Mais pouvait le mettre à la poubelle, il fallait en faire un autre. En gros, c'était ça, oui. Entre 6 yeux. C'est ce qui a été dit par un savant de la Salpêtrière en 1970. Il avait 4 ans, 5 ans. Et on nous a mis Christophe sous méléril et allopéridol, n'est-ce pas, deux neuroleptiques. Alors nous, consciencieusement, on a commencé à lui donner ça. Alors, bon, à part des faits qu'il ne mangeait pas et qu'il ne parlait pas, bon, il était tout à fait vivable à l'époque. Hein. Il se balançait un peu, sûrement. Il était insomniaque, mais on est tous insomniaques, alors je ne voyais pas bon. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai arrêté de lui donner toutes ces médications qui ne lui donneraient pas la parole, de toute façon. Et Christophe, parce que ça l'avait perturbé dans son comportement. Et Christophe est redevenu tout à fait normal. Et après, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la Russie, sur les prisonniers politiques qu'on mettait en psychiatrie, parce que comme ça, ils dérangeaient personne. Et ils étaient sous allopéridol, n'est-ce pas? Bon, voilà. Maintenant, il y a des psychiatres quand même qui sont aptes à aider certaines personnes. Hein. Faut pas exagérer. Mais disons que les gamins différents... on n'était pas prêt de faire quelque chose pour qu'ils évoluent. Hein. C'était assez flou dans la mesure où il y a quand même eu un diagnostic d'autisme qui a été long à établir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas des éléments, mais il nous disait « revenez ». Et voilà, on ne l'a pas découvert à la naissance, mais au bout de quelques temps, 1 ou 2 ans, on l'a trouvé assez bizarre. Et nous avons, évidemment, nous avons consulté à l'hôpital des enfants malades, là, je me souviens. Et on nous a dit ce nom, mais j'avoue que ça ne correspondait à rien pour nous. Enfin, à rien. Nous étions tout à fait neuf en ce domaine. Il y a, parce que Gilles, notre fils handicapé, a 49 ans maintenant. Et donc, on l'a découvert, il avait 18 mois à peu près, quoi, parce qu'on oui. Trouvait que, bon, premièrement, il n'a pas acquis la parole. Et puis, deuxièmement, il avait des comportements bizarres, je dirais trop sages même, trop sages. On a consulté, donc ma femme vous l'a dit, aux enfants malades, je crois aussi à l'hôpital de la Pitié à Paris. Ça a été très, très décevant. Bon, on est tombé sur des professeurs qui, soit avaient l'air de découvrir la chose avec nous, soit prenaient des airs supérieurs pour masquer leur ignorance comme la nôtre. Le regard était horrible il y a quelques années. Hein. On vous regardait vraiment comme ça, avec des... On vous regardait, on vous scrutait, parce que le vôtre, il n'était pas comme les autres. Et il y a 30 ans ou 40 ans, les gens n'étaient pas informés, surtout ces handicaps, surtout les handicaps mentaux. Les gens en avaient, enfin, beaucoup en avaient peur. Est-ce qu'il va mordre? Ah oui, oui. Alors qu'un autiste, c'est quelqu'un de vraiment très, très calme, très, très doux. Il n'est pas méchant. Puis alors, au début, là, il y avait une culpabilisation des mères hein, qui était terrible. J'ai vu des femmes démolies hein, par ça, quoi. Et ben, on disait que c'était la mère qui avait... Qui avait fait ça. Et il y avait, par exemple, Bethléem. Moi, j'avais lu le livre de Bethléem, là, tu sais, sur... qui n'était pas tout à fait dans ce sens-là. Mais enfin, il y a beaucoup de femmes, en particulier, qui ont... Parce que nous, on connaît, évidemment, comme nous étions à l'association, nous voyons un tas de cas. Hein, Et puis, il y a aussi les ménages qui cassent. L'homme cherche dans les ancêtres de sa femme s'il n'y avait pas un truc comme ça, c'est oui, c'est ta famille, etc. Et puis il y a même des ménages qui ont cassé. Hein, le gars il fout le camp et puis, souvent les hommes, puis hein, il laisse la mère se débrouiller. Il y a eu beaucoup de femmes seules hein, et c'est ça qui est terrible parce que alors déjà c'est dur à deux. Et seul, ça doit être terrible de se retrouver. Hein, c'est... Moi, j'ai une famille avec laquelle je m'entends bien, toi aussi, mais alors on a senti, on ne leur voulait pas, qu'ils étaient dépassés comme nous. Mais nous! On commençait à prendre de la bouteille. Hein. C'est vrai qu'il y a une grande incompréhension, parce que oui, à cette époque-là, et puis même maintenant, on comprend mieux, si on peut dire, un enfant débile ou trisomique, qui a des... tandis qu'un enfant autiste, c'est très difficile à expliquer. Puis même maintenant, quelqu'un de bonne volonté qui veut... comprendre. Bon, il faut expliquer longuement, et c'est parce que c'est quand même très très déconcertant, c'est très déroutant. Il y a, hein. Il y avait une réaction, je pense de la génération de mes parents et au-delà encore, dans une famille quand on a un gros malade, un tuberculeux par exemple, ou des anormaux, que ce soit physiquement ou intellectuellement, il y a une réaction de les cacher. Oui. C'était la fin quand même. C'était la fin, oui, c'était la fin, mais. La fin de la période, mais ça a été un peu la réaction de nos parents. Oui, oui, oui. Bon, vous, on en parle. Je sais qu'on a eu des relations de mes parents qui ont appris avec surprise que nous avions un enfant handicapé bien après. Le problème pratique qui se pose à toutes les familles ayant un enfant autiste est de pouvoir le placer. Je pense que ça amène un équilibre à la fois dans la famille, parce que les autres enfants sont moins, en souffrent moins, quoi, hein. Même s'ils sont très attachés, nous avons trois enfants qui sont très attachés à leurs frères. Mais en même temps, je pense que dans l'établissement, ils trouvent une vie qui leur convient vraiment et qui empêche d'être enfermés, quoi, et pour eux comme pour nous. Et à l'époque, on n'a rien trouvé jusqu'à l'âge de 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, où effectivement, nous avons trouvé la solution de l'INI. Comment ça s'est déroulé après? Nous, on l'a toujours considéré comme un enfant normal, et puis on a eu la chance d'avoir des parents. Il n'y avait rien, hein. On avait fait le tour d'institutions absolument affreuses en région parisienne. Mais non, il n'y avait rien. Oui, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Incurable. Insupportable. Invivable. Incurable. Invivable, alors la société a tout prévu, et même des lieux où invivre le soit prévu. Et il se trouve que ce lieu-là prévu pour, je le connais. Les murs sont des murs, les toits sont des toits, des arbres il y en a, et les fenêtres ne sont pas tout à fait des vraies fenêtres. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, pas de gros. Du fer enrobé dans le bois, la grille ne s'y voit pas. Alors, que vont devenir les yeux de cet enfant-là parmi des centaines d'autres? Que deviennent les yeux d'un enfant qui n'a rien à voir? Que le temps qui passe? Et le temps, ça ne se voit pas. Il est atteint, cet enfant-là, d'autisme infantile précoce. Alors, Son isolement est extrême, dit la psychiatrie. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Le symptôme est flagrant. Et puisque c'est d'immuables qu'il a besoin, il en aura tout son sou, de l'immobile et du réitéré et du toujours pareil. Cette photo, cette image a été prise ici, loin de ces lieux prévus exprès tout à fait pour. Très loin, à l'autre pôle. C'est à l'autre pôle que nous sommes. Et nous venions d'y arriver avec ce gamin-là à la clé de nos existences. Je travaille à l'usine électricien, oui, au service électrique, une usine de la banlieue parisienne, chez Hispano Suiza. Et dans tous ces gens, il y avait une poignée de... un peu anarcho, un peu gaucho, mais c'est des mots qu'on disait pas. Hein. On apprend à parler de gauchiste, on parlait de tout ça, mais c'était pas vraiment affiché. Hein. C'était pas un groupuscule vraiment affiché, mais c'était des gars qui se retrouvaient de plusieurs générations d'ailleurs. Moi étant le plus jeune de la bande, j'avais mes 17 ans bien sonnés. Toute cette équipe fréquentait en même temps certaines personnes de la psychothérapie institutionnelle. Moi, je les voyais de loin, tous ces gens, hein, des Guattari. Moi, ce qui m'a amené dans les Cévennes, c'est pas Deligny, puisque je ne connaissais pas, c'est pas les autistes, parce que je ne sais pas du tout ce que c'était. C'était un petit peu tout ce maillage de gens qui se retrouvaient un petit peu en dehors des syndicats, un peu tout ça. Et c'est surtout ce qui m'avait intéressé, c'était que d'un seul coup, il y avait des gens de différents milieux qui se retrouvaient. Il y avait des médecins, des artistes, des enseignants, des architectes, des ouvriers, puisque j'ai parti des ouvriers, et qui se retrouvaient pour parler un peu de tout. Quoi. Et Guattari, pour parler de lui, avait donc acheté cette maison à Monoblet, là, où on est resté avec Deligny pendant un moment. Il s'appelle Gourgas, et dans cette maison, cette maison devait, je dis bien devait, ça l'a été un petit peu quand même, faut pas exagérer, mais le projet initial, c'était ça, c'était un lieu de rencontre. En même temps, j'étais pas bien à l'aise, parce que quand on se voyait un petit peu à Paris, c'était des projets un petit peu extraordinaires, et puis sur le terrain, les grands projets de Paris, puisque c'est plutôt dans la banlieue parisienne qu'on se retrouvait, d'un seul coup, avaient fondu avec le soleil de Monoblet. Disons, je suis arrivée un petit peu avant que le réseau se forme, enfin, donc c'était même avant 67, on peut dire que je me suis engagée auprès de l'équipe autour de Deligny en 66-67, quand Deligny était à ce moment-là à la clinique de la Borde. Et bon, moi j'étais étudiante dans la banlieue parisienne. Et donc, je faisais pas mal d'allers-retours en période de vacances pour aller passer quelques jours chez ma sœur et Deligny, puisqu'ils vivaient ensemble à ce moment-là. Et donc, petit à petit, je trouvais que leur vie m'attirait beaucoup, quoi. Puis c'est à ce moment-là aussi, voilà, où il y a eu l'arrivée de Jean-Marie. Thank you. Deligny n'y connaît rien des autistes. Et il est encore en bordure de la Borde et c'est sa logeuse, hein, sa propriétaire, qu'il sans cesse. Hein, elle sait qu'elle a son locataire, c'est un bonhomme qui a écrit des bouquins. Et sa meilleure amie, sa logeuse, c'est la maman de Jean-Marie. Et la maman de Jean-Marie, c'est donc Jean-Marie, c'est un gamin autiste, autisme mutique. Et la propriétaire insiste. Elle insiste régulièrement auprès de Deligny en disant « Ce serait bien si vous pouviez voir mon ami, elle a un enfant difficile, personne ne sait quoi en faire, on n'en veut pas ici. » Bon. Il avait même été question, c'est la mère qui l'avait dit, elle avait dû l'amener à la Selpêtrière, je ne sais pas où est-ce qu'elle l'avait amené à Paris, hein, voir le grand professeur, je ne sais pas qui. Et ils avaient parlé de lobotomie. Hein, c'était, on devait faire ça pour les démons violents, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas trop pour qui on faisait ça. Et ils avaient parlé de ça. Alors que c'est une petite crevette de 12 ans qui a jamais fait, qui, bon, de temps en temps, il allait faire un petit peu des, comment on dit ici, des couillonnades dans les jardins voisins, mais c'était pas des trucs, il n'y a pas une once chez des gamins autistes, il n'y a pas, que ce soit Jean-Marie ou autres, il n'y a pas une once de méchanceté, de mauvaise... Donc Deligny reçoit la maman de Jean-Marie. Et la maman de Jean-Marie raconte, comme racontent toutes les mères, à sa manière, comment est son fils. Hein, il est comme ci, il est comme ça, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Bon, il est bizarre, il balance. Bon. Et Deligny, toujours le hasard, toujours les circonstances qui font qu'après il y a des choses qui démarrent, il venait de lire le bouquin d'Itard, c'est-à-dire... Itard, c'était un médecin en 1800, je ne sais pas combien, vers 1800 par là, qui s'occupait principalement de sourds et muets. Et on découvre un enfant dit sauvage, hein, enfin dit sauvage, un enfant sauvage dans l'Aveyron, qu'on prénomme Victor, qu'on appelle Victor de l'Aveyron. Et donc il y a un rapport, hein, il a écrit un bouquin, on appelle ça le rapport d'Itard. Le Victor, la description du comportement du Victor sauvage, c'est quasiment mot pour mot le comportement de Jean-Marie, qui n'est pas sauvage, puisqu'il vit avec sa mère, ses frères, son père est maçon, et elle fait des ménages dans la banlieue de Châteauroux. Et donc, à ce coup, Deligny, voilà, ça c'est Deligny, il dit, attends, il y a quelque chose, là, c'est le même, c'est son jumeau, c'est son frère 200 ans après, là, ou 150 ans après, donc voilà, pour Deligny, ça suffit pour démarrer quelque chose. Donc il s'embarque avec ce Jean-Marie, pour faire déjà le contraire d'Itard, qui la première chose qu'il a fait, c'est de ramener son sauvage à Paris, et Deligny ramène, alors je mets beaucoup de guillemets, le sauvage Jean-Marie dans les Cévennes. L'humain, entre guillemets, c'était ce qui l'intéressait. Et l'autisme, c'était un humain, je pense, à l'état pur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été formaté ni conditionné par toutes les conventions qui font qu'on devient ceci, cela, plus ou moins bien, plus ou moins... bien. Le bien et le mal, ce n'était pas son truc non plus. Pour lui, l'autisme était un terrain d'observation, je pense. Parce que bah, c'était l'humain. Et l'humain, avec un grand H, c'était vraiment la recherche fondamentale de sa vie, je pense. Et les enfants, comme Christophe et ses copains, étaient des êtres sans le fameux « je ». Ils ne se considéraient pas comme des personnes. Alors donc... En bordure de tout ce petit monde-là, qui s'était rassemblé à Bourgas, il y avait une petite équipe là, de gens assez discrets, qui étaient dans leur coin, qui n'avaient même pas La maison était suffisamment grande pour loger un peu tout le monde. Hein. Il y avait des grandes pièces, des petites pièces. Je crois qu'il y avait plus de 50 ou 60 pièces dans cette maison. Et en bordure de la propriété, il y avait donc petit groupe, je ne sais pas comment l'appeler, des gens un peu, mais en retrait. Et donc c'était Deligny, que je ne connaissais pas, avec Annie, Gisèle qui est toujours là. On est toujours ensemble depuis plus de 40 ans. Guy Aubert, et puis un drôle de petit gars, quoi, ce Jean-Marie, qui de temps en temps échappait un petit peu à la surveillance du petit groupe de Deligny et arrivait comme une fusée au milieu de toute l'assemblée des gens. Et... Ce que Deligny se vise, si on peut parler comme ça, ce que vise, c'est cette maison de Bourgogne. Une démarche, une tentative ne peut pas exister s'il n'y a pas un lieu. Il faut d'abord un lieu. Hein. Il faut que ça ait lieu quelque part. Hein. Donc, il savait pertinemment que cette maison où tout le monde se rencontrait, c'était juillet-août, et que dès le 1er septembre, il n'y aurait plus personne. Hein. Donc, et comme c'est loin de Paris, hein, comme la... Les 4/5, pour ne pas dire plus, les 9/10 des gens qui sont là dans cette maison pendant l'été 67, c'est des Parisiens ou de la banlieue parisienne, donc ils ne vont pas venir tous les jours à Gourgaz. Donc cette grande bâtisse qui est pleine comme un œuf pendant cet été 67, d'un seul coup se vider. Et il y a donc Jean-Marie qui est là. Et puis Deligny, à la fin de l'été, me dit « Tu veux rester ou pas ?» Ben, j'ai dit oui, je veux rester. Quoi. Voilà, ça, c'est... Mais je ne sais même pas si c'est... En même... Bien sûr que c'est la demande de Deligny, mais c'est en même temps la présence de ce gamin avec qui on avait... Bon, malheureusement, il est mort il y a 3-4 ans là, d'un cancer. Et donc, il est resté jusqu'à la fin avec nous. Pour résumer, pour ce qui me concerne, j'ai quand même pendant, je ne sais plus trop combien, parce que je compte pas vraiment les années, mais entre 15 et 20 ans, j'ai vécu quasiment une bonne partie de l'année, et une bonne partie, c'est plus de 6 mois, sous des tentes, ou dans des recoins de maganerie, ou dans des recoins de bergerie, pendant 15-20 ans sans eau courante, sans électricité, et tout ça avec une poignée de gamins autistes. Et quand je dis une poignée, des fois ils étaient 4-5 et des fois ils étaient presque le double, parce qu'il nous en arrivait de partout. Quoi. Imaginez que ça puisse se faire maintenant, c'est pas possible. Quoi. C'est dans la semaine qui suit que n'importe qui s'installe avec une tente sur un coin de murette des Cévennes d'ailleurs, hein, avec des gamins un peu bizarres, hein, des autistes, c'est sûr que c'est pas pensable. Quoi. C'est impensable. Merci à Malika, Brigitte, Christophe, Gilles et Amar, à Gisèle Durand et Jacqueline, à Chantal et Claude Berton, à Henriette et Jean Toche. Merci aux salariés actuels de la structure de Monoblet, Odile Durand, Marie-Lise Olivier, Laurie Benoît et Paul Espada. Merci au film d'ici et à Cyril Victor pour l'utilisation des extraits des films de Renaud Victor, Ce gamin-là, et Fernand Deligny à propos d'un film à faire. Merci à l'ASCAM pour son soutien à ce travail. Un documentaire en 5 parties de Juliette Volclair. Archives sonores et documentation sur www.intempestive.net.